L'objectif de notre étude, c'est expliquer pourquoi ce qu'on appelle registre archéologique est comme est. Alors, j'arriverai à étudier le registre archéologique. Je ne sais pas si j'arriverai à entendre la société du passé. Ça, c'est la vraie essence pour moi de l'archéologie, une archéologie professionnelle. Une archéologie qui a un sujet d'étude. Ce sujet d'étude est considéré important par la société. Il y a des traces du passé qui sont préservées jusqu'à nos jours. Notre obligation, c'est d'étudier ces traces. Mais bien sûr, il y a eu un passé qui n'a pas laissé des traces. On ne peut pas étudier cela. Et probablement, ces traces inexistantes sont fondamentales pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, probablement, je n'arriverai jamais à comprendre parfaitement le passé. Mais je peux arriver à comprendre parfaitement ce qui s'est préservé du passé. C'est la grande différence de l'archéologie avec la définition usuelle d'histoire. Bon, si vous voulez, on peut commencer, parce qu'aujourd'hui la science est longue avec un petit de maths. Bon, souvenez-vous, c'est l'idée de la question archéologique. Nous avons des données, nous cherchons des explications. L'idée générale, c'est que les données existent avant le début de la recherche et nous cherchons la causalité de ces données. Une des grandes caractéristiques de l'archéologie, c'est que plus de 90% de nos données de parties sont visuelles. Alors l'archéologie, c'est une discipline fondamentalement visuelle. Nous savons aussi quelques données qui ne sont pas visuelles, mais on arrivera après. Souvenez-vous, nous avons un registre archéologique, nous voulons voir des choses qui n'existent plus. C'est un problème ouvert. Si je connais les résultats de l'activité, je vais inférer l'activité. Vous vous souvenez de le cadre général de la recherche archéologique que j'ai présenté dans la dernière conférence. Alors, la grande question, c'est pourquoi sont des hypothèses sur la production, sur l'utilisation des choses, sur la distribution. Quelles sont les causes? Attention, parce que ici apparaissent les deux principales causes de la forme actuelle du registre archéologique. Ce sont les processus dépositationnels et bien sûr l'activité des archéologues. Mais si on peut éviter initialement les questions post-dépositationnelles, la taphonomie et l'activité des propres archéologues, les registres archéologiques peuvent être décrits d'une façon formelle. Pourquoi? Parce que ce sont des objets solides, matériels. Et nous avons plus de 2000 ans d'histoire écrite des études de la matérialité. Les choses que nous trouvons dans les registres archéologiques ont des formes, ont des dimensions, ont une composition matérielle, ont une texture, ils sont placés dans un part spécifique de l'espace et du temps. Aujourd'hui, on s'entraînera seulement sur l'idée de la forme, partiellement les dimensions et la texture. Et la prochaine conférence, on parlera surtout sur la description de l'espace et le temps. Alors, on commence par la forme, les dimensions et la texture, qui sont les trois grandes caractéristiques visuelles. On voit ces questions, on a des problèmes des archéologues que nous croyons que nous avons besoin, nous avons suffi avec notre vision normale. Alors, ça, c'est une chose, bien sûr, je l'ai vu, ça existe. Mais attention, parce que la vision humaine et animale est très très complexe. Comme un phénomène strictement neurophysiologique. Quand nous voyons quelque chose, nous ne voyons pas cet objet. Je ne vois pas une table. C'est mon cerveau qui interprète. Ici existe une table. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une information initiale qui sont des contrastes luminiques. Il y a la lumière qui arrive ici, et bien sûr, un comportement physique, quand elle trouve cet objet, cette matière solide, et un comportement complètement différent dans les espaces vides. Et un comportement différent quand on arrive sur la Terre. C'est mon cerveau qui interprète ces contradiction, ces questions de contraste luminique peut être interprétée par l'existence d'une table. Le processus est assez complexe, comme vous voyez. Il y a les deux premières sont strictement syntactiques, ça veut dire autosuffisants. Il y a des données initiales. Ces données initiales sont exactement lumière, contraste de lumière. Il y a une image, une segmentation de l'image initiale. Alors, mesure, arrive cette lumière, pas complètement désordonnée. Il y a un sens physique de l'espace, et il y a une première compréhension des distances et différences de la lumière, des homogénéités. Alors, tout ici, c'est exactement le même contraste, complètement différent de cet autre contraste. Notre cerveau applique, en général, une première segmentation du point de vue strictement syntactique. On n'a pas besoin d'un apprentissage. Mais on commence à l'apprentissage. À partir de mes expériences, mes mouvements préalables sur l'espace, j'arrive à dire, ici, c'est une table parce que je la peux toucher. Je peux obtenir plusieurs informations. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, mais je peux toucher la Terre. Et arrive à comprendre différents éléments. À partir de la compréhension des différents éléments, j'arrive à une première reconnaissance des objets. Et à partir de la reconnaissance des objets partiels, j'arrive à interpréter tout l'élément visuel. Comme vous voyez, alors, nous ne voyons pas les choses. C'est notre cerveau qui utilise l'expérience préalable, qui arrive à interpréter l'information qui arrive au sang. De tout ce discours, la chose la plus importante, c'est l'idée de surface. La surface, c'est l'unité fondamentale pour comprendre les processus de la vision. Une surface, c'est tout simplement une limite qui sépare deux faces. Qu'est-ce que sont les faces? Ce sont des masses homogènes de substances. Je peux comprendre la table parce qu'il y a deux masses de substances différentes. L'air et cet objet solide. Quand nous avons deux faces en contact, on parle d'interface. C'est la surface des choses solides qui joue un rôle très important pour décrire, pour découvrir comment apparaissent ces surfaces, c'est-à-dire pour reconnaître les objets. Les surfaces ont deux propriétés fondamentales, la forme et la texture. On commencerait par la forme. Qui est capable de définir la forme d'une chose? Vous utilisez toujours l'idée à la forme de ces choses. La forme d'une table, la forme d'une chair, la forme d'un outil préhistorique, la forme d'un os animal. Qu'est-ce que c'est la forme? C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est la forme? Après, il y aura un examen. Un ensemble de mesures, comme dans ton... Un ensemble de mesures. La longueur est plus grande là que là. Non, donc ça, c'est, ça sont les rectangle. Dimensions. Ça sont les dimensions. Dimensions. Mais les dimensions, pas la forme. Toujours, vous décidez, alors c'est une petite table, une grande table. Il y a une différence de dimension, mais l'objet a la même forme. Alors ça, c'est un problème que je trouve toujours avec mes étudiants et bien sûr avec les professionnels d'archéologie. On utilise toujours les mots « forme ». Vraiment, on écrit des livres sur la forme des choses archéologiques, mais personne ne sait qu'est-ce que c'est. Alors, la solution archéologique, c'est toujours utiliser des mots existants. Ah, ça c'est une table. Et quelle forme a la table? La forme d'une table. Alors, vous trouverez que toujours en archéologie, nous essayons de décrire la forme des choses archéologiques à partir de notre expérience. Ça, c'est une pointe flèche. Pourquoi? J'ai vu tous les films de John Wayne et tous les Indiens ont la flèche. C'est l'expérience préalable qui arrive pour nous pour décrire les choses à partir des mots que ça existe. La solution, c'est l'archéologie. pourquoi c'est l'exemple par caractéristique. Quelle est la forme d'un fémur? Un fémur. Quelle est la forme de l'humérus? Un humérus. Comment est-ce qu'on peut décrire la forme d'un os avec l'étiquette de cet os? C'est tout simple. Combien de mots vous avez besoin pour décrire la forme d'un humérus? Un seul mot, humérus. Pourquoi? Je ne vais pas décrire une forme en disant ça, je vais donner. Mais les archéologues, même les biologues, quand ils arrivent à décrire, j'ai un objet, quelle est la forme de cet objet? Un humérus. Pourquoi un humérus s'appelle humérus? Pourquoi la forme qu'il a? Personne ne dit. Ça, c'est important. On réduit la description de la forme, tout simplement, en étiquette. Dans ces cas-là, nous avons une étiquette systématique qui est basée sur une science, la zoologie, l'anatomie comparée, qui ont beaucoup d'informations. Mais en archéologie, quelquefois, nous avons la chance et il paraît que quelqu'un qui a vécu au passé à utiliser ces mots. C'est facile, d'accord, nous savons les amphoras, les hydria. Mais on commence à utiliser les noms grecs pour la poterie latine, des noms latins pour la poterie, je ne sais pas quoi. Mais ici, théoriquement, nous avons des mots. Un amphoriscos, c'est une chose. Un hydria, c'est une chose. Mais quand on part la question de la céramique plus classique, que nous n'avons pas les langages des préhistoriques, comment est-ce qu'on peut appeler, comment est-ce qu'on peut décrire la poterie préhistorique? On commence à créer un langage prétendument formal, dire alors ça c'est une ensemble. Alors commencer à voir la richesse morphologique et littéraire des archéologues. Ensemble Robin, cintré, coudé, proie, demi-bobine. Primo, c'est. Il faut beaucoup d'années pour enseigner un archéologue à utiliser ce vocabulaire, qui ne sert à rien. Le lithique. Bon, malheureusement, ce n'est pas très très bien, mais bon, c'est souvent migratoire. Pourquoi? Parce que ça sert à gratter. Qui a dit qu'il sert à gratter? Quelquefois, si vous avez de la chance, la forme sera décrite par votre propre nom. Alors, ça, c'est une forme Barcelo 33. Ah, magnifique. Je suis un personnage historique parce que mon nom est donné. Alors, vous savez, les Drachendorf pour la poterie, il y a des François Borde encore pour la lithique, etc., etc. Il y a eu, bien sûr, des essais de formaliser la description. Alors, la typologie analytique de Georges Laplace, les retouches, centre, profond, latéral, racloir, essayer de décrire un profil à partir des unités minimales. Mais ces unités, normalement, sont des descriptions. Beaucoup des archéologues disent, alors, la forme des choses, ça a quelque chose à voir avec la géométrie. Et tout le monde étudiait géométrie à l'école. Depuis que vous avez 5 ans, vous connaissez un triangle, un cercle, la circonférence. Et pourquoi pas utiliser la géométrie? On commence à utiliser la géométrie, mais vous voyez ça rectangulaire. Alors, comment les archéologues arrivent à utiliser les mots rectangulaire, triangulaire, ovoïde? C'est incroyable. Des archéologues n'arriveront jamais à la même décision sur la rectangularité d'une chose. Bon, si on n'a pas de mots, alors on commence à utiliser les numéros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ce qu'on a enseigné à l'université quand j'étais commencé à l'université d'étudier l'archéologie. Comment se décrit l'archéologie, la forme en archéologie? En dessinant les choses, on fait un recoupable de cette chose, et on commence à dire des choses de forme 1, la 2, la 3, la 4. Ils font des séries de choses que, à nos yeux, ça paraît qu'ils sont différents. Ça manque un nom. Bon, d'accord, alors, 1 A, 1 B, 1 C, la seconde commence. Pour la décoration, c'est encore pire. Comment est-ce qu'on peut décrire la forme de la décoration? Qu'est-ce que c'est la décoration? En plus, on verra après. Mais c'est toujours comme ça. Alors, on commence à faire une liste. C'est une liste apparemment exhaustive de toutes les variations des la chose qu'on croit que c'est la forme, et qu'on nous manque des mots, on commence à utiliser des étiquettes. En A, en B, en C, etc., etc. Mais est-ce que vous avez arrivé à comprendre qu'est-ce que c'est la forme? La chose la plus importante, si la forme est une description formelle de la réalité archéologique, à quoi sert ces descriptions? Théoriquement, pour comprendre la cause, pourquoi cette chose a cette forme? Il existe un mécanisme de production, il existe une forme concrète d'utilisation qui explique la forme de ces choses. Ces choses ont cette forme parce qu'elles ont été produites pour qu'elles aient cette forme. Elle a été produite pour qu'elle ait cette forme parce que les gens qui ont utilisé croyaient qu'il y avait un rapport entre une utilisation et la forme. Attention, parce que cette utilisation ne doit pas être économique, peut être cognitive, symbolique. Je vais faire ce symbole, par conséquent, cet objet aura cette forme. Et bien sûr, voir des choses et décrire les choses qu'on voit à partir des étiquettes préalables qui ne sont pas définies sauf par nos expériences, c'est une façon vraiment très inutile de parler sur la forme des choses. La forme des choses en archéologie, la façon usuelle de travailler la forme, n'offre aucune information pour arriver à résoudre un problème archéologique. Alors, qu'est-ce que c'est la forme? On doit aller plus loin. La forme, c'est une propriété quantitative. Avant de définir l'idée de forme, il faut commencer à voir qu'est-ce que c'est une propriété quantitative. Il y a deux grands types de propriétés des choses. Les propriétés quantitatives et les propriétés qualitatives. Une propriété quantitative est n'importe quelle propriété caractéristique de n'importe quelle entité qui peut être exprimée avec une intensité, une gradation. Quelque chose a plus ou moins de cette propriété. Une chose est plus large et moins large. Ça, c'est une quantité. Et qu'est-ce que c'est une qualité? Une chose qui a une propriété pour laquelle la seule chose que je peux dire est « s'existe ». Ça, c'est une pomme. Il n'y existe pas une définition sur la quantité de la pommeté de cet objet. Très important, la différence entre « sex gender » en anglais. Je ne sais pas si en français ça existe la même différence. Le sexe biologique est une propriété qualitative. Pourquoi? Femme, homme, ça est biologique, c'est une question génétique. Je ne peux pas traduire l'idée du sexe en femme quantité. Mais la féminité, la masculinité, qui est une propriété qualitative dans la vie quotidienne, on utilise les mots avec un sens quantitatif. Il faut que tu te masculinises plus. Ah, c'est très féminine, moins féminine. Vous voyez qu'il y a un sens quantitatif dans beaucoup de choses. Alors, ça c'est rapide. Le langage verbal ne sert que pour décrire les quantités. Nous avons beaucoup de mots pour dire il y a beaucoup, il y a moins. C'est petit, c'est grand, mais la précision, quelle quantité ça veut dire petit? Quelle quantité ça veut dire grand? Il n'existe pas une réalité mathématique. Il n'y a pas de concept mathématique, essentiellement mathématique. Il y a des concepts, des idées, des propriétés qui ne peuvent pas être décrits correctement, ou dire objectivement, avec des mots. On a besoin des numéros pour le décrire. C'est pour cela qu'on parle d'un concept mathématique. C'est un concept qui ne peut pas être exprimé que par recours aux mathématiques, aux numéros. On appelle mesure à l'application des numéros pour représenter les degrés que cette intensité est présente. Un instrument de mesure, c'est un mécanisme, quelquefois est-ce un truc, une machine, mais ça peut être une technique, ça ça peut être tout simplement une procédure logique pour comparer une ordination de référence avec les numéros qu'on veut appliquer pour la quantité de cette chose. On a besoin toujours d'une référence, on a besoin d'une façon à trouver exactement la quantité de cette propriété par rapport à la référence. Presque absolument tout sur le monde réel et même le monde archéologique est quantitatif. Il y a plus de propriétés quantitatives que qualitatives. On a parlé avant du sexe. L'espèce biologique, c'est une autre des grands éléments qualitatifs caractéristiques. Mais bonheur, l'amour, est-ce que ce sont des propriétés quantitatives? Dans votre vie quotidienne, vous utilisez aujourd'hui, je suis très très heureux. Alors aujourd'hui, je suis moins heureux qu'hier. Vous donnez un sens quantitatif au bonheur. Je t'aime plus qu'hier, mais moins que demain. L'amour, c'est aussi une autre propriété qui a un sens quantitatif. Mais où est le problème? Que nous ne saurons pas le mesurer. Attention, il existe maintenant un courant sur l'économie pour mesurer le bonheur des gens. Et ça existe l'économie du bonheur. Alors, ça peut être incroyable. Oui, on peut le mesurer. Alors, vous êtes plus heureux si vous boivez du Coca-Cola que du Pepsi-Cola. Il faut mesurer bonheur en réponse à certaines attitudes. Ça arrive, ça existe. Alors attention, parce que beaucoup de choses que nous croyons que sont impossibles de mesurer seront mesurables. Le progrès de la science, et spécifiquement des sciences sociales, est sur le développement d'instruments de mesure qu'aujourd'hui nous n'avons pas. On commence à créer de nouveaux instruments de mesure. Et ça, c'est vraiment le progrès de la discipline. Alors, la forme, c'est une propriété quantitative, mais c'est plus facile de mesurer que le bonheur ou l'amour. D'abord, confusion traditionnelle. La forme n'est pas les dimensions. Toujours, on a dit avant, oh non, ça c'est petit, c'est grand. Une chose petite a la même forme qu'une chose qui est grande. Les dimensions sont différentes, mais la forme c'est la même. Alors, il faut différencier tous les deux. On commence à voir les questions des dimensions. C'est ce qu'en archéologie, on mesure habituellement. Il y a beaucoup de mesures de dimensions. Alors, on voit bien, on commence à faire des dimensions d'auteur, de diamètre. Plus ou moins complexes, il y a beaucoup de façons de mesurer les choses. Mais, quelquefois, on mesure des dimensions. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi? Parce que dans mon équipe, on a fait toujours ces dimensions. Parce que monsieur est le grand factotum de cette période et lui, il recommande de mesurer ça. Même au lithique, ce n'est pas si normal de faire des mesures parce qu'on croit qu'il y a une variation des mesures à conséquence du débitage, mais il y a aussi des efforts de dimension. Quand l'objet est conformé, alors les choses sont un peu plus claires pour mesurer. Alors, il faut mesurer des parties actives de l'outil. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs exemples en archéologie. Mesurer la grandeur, les dimensions des objets. Mais sans aucun sens, c'est-à-dire à quoi sert ça? Même avec les éléments osseux, il y a beaucoup de mesures. Ici, on a beaucoup de la théorie de l'anatomie comparée qui ont développé des systèmes de mesures théoriquement plus en rapport avec une finalité. On mesure avec un sens. Et en archéologie, malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Toutes ces mesures des dimensions sont importantes, on verra après. Mais pourquoi une chose est grande? Pourquoi une chose est petite? Ça n'explique pas beaucoup de choses sur la nature de l'activité humaine avec cet objet. On arrive maintenant à la définition des formes. pour votre information, il y a une théorie, un courant d'études dans, sur les statistiques et la géométrie qui s'appelle le shape analysis, qui ont développé l'idée de la théorie statistique de la forme. Attention, parce que c'est incroyable. Les débuts de cette théorie est archéologique. À la fin des années 60, des archéologues ont approché des mathématiciens pour régler un problème. J'ai une série de trous de poteaux et je voudrais savoir s'ils sont alignés ou non. Alors, le statisticien William Kendall dit « Ah, ça c'est intéressant. » Il a commencé à développer toute une théorie de qu'est-ce que c'est la forme à partir d'un problème archéologique. Après, les archéologues ont oublié la question et les mathématiciens ont continué avec cette idée. Et vous avez alors un des livres très importants, maintenant ils ont sur la troisième édition de ce livre. Je vous recommande ce livre des auteurs brésiliens parce qu'il est plus clair. Vous pouvez arriver à Ayamardia, Ayamraiden et Cantimardia, ou des autres auteurs similaires. Il y a beaucoup d'exemples archéologiques et même paléontologiques. Mais alors ça commence à arriver en langage mathématique. Par exemple, la définition formelle de forme, ça veut dire une configuration des points qui ne sont pas altérés par effet de dimension de la position de l'orientation par translation, rotation ou escalement. Vous entendez, comprenez? Parfait. Qu'est-ce que c'est forme? Forme, c'est tout ce qui reste après les mouvements et les dimensions. Par exemple, une chose, deux personnes ont la même forme. Qu'est-ce que c'est la forme? Une fois que je retire les différences des dimensions, les différences que je vois de ce point-là ou je peux voir de l'autre point. Si je peux bouger la chose, c'est la chose qui se bouge ou c'est moi qui me bouge. Quand je retire toute cette information, il y a quelque chose qui reste. Ce qui reste, c'est la forme. Dans des mots plus simples, cette chose qui permet d'individualiser une chose. Et qu'est-ce que ça me permet d'individualiser des choses? La silhouette, les contours. Alors la forme a beaucoup à voir avec les contours des choses. Pour mesurer le contour, nous avons des trucs très traditionnels. Alors en archéologie, une possibilité de mesurer les radius, le diamètre des choses, surtout des choses symétriques, c'est les contours jusqu'au axe de symétrie de cet objet. Pour des objets qui ne sont pas symétriques, alors il faut dupliquer. On peut utiliser aussi les diamètres. Mais bien sûr, un contour, si vous voyez ici dans le dessin, c'est une courbe. Et vous vous souvenez, une courbe a toujours une définition avec une équation. Alors, une équation linéaire, c'est tout simplement un polynôme de 1 degré. Vous vous souvenez qu'une équation de deuxième degré, à la réalisation, c'est une parabole. On dit toujours qu'il n'y a aucune courbe, par compliquée qu'elle soit, qui se résiste à un polynôme de degré 6. Mais si vous avez utilisé Illustrator, le software traditionnel, ça existe les dessins vectoriels. Qu'est-ce que c'est le dessin vectoriel? Tout simplement, dessiner une ligne et la définir avec une équation de vecteurs. Ça existe les courbes spline, les courbes de Bessier, des différents trucs mathématiques que normalement l'utilisateur ne connaît pas, mais utilise le software. Mais c'est très simple parce que c'est ce qu'on peut faire avec un scanner ou avec des différents logiciels. On peut transformer n'importe quelle courbe dans une définition vectorielle. Ça commence à travailler. Il y a eu des travaux, surtout Martin Kempel, c'est un des articles sur le livre bleu, qui travaille sur la définition des contours des poteries ou des monnaies anciennes ou même des objets lithiques à partir de l'équation vectorielle du contour. Une fois que nous savons l'équation, alors ceci est très très simple de comparer différents objets et d'escaler, d'essayer de trouver les différences de grandeur, de dimension sur cette définition. C'est un peu plus simple, parce que les maths sont plus simples, d'utiliser deux index de relation à partir des mesures préalables des dimensions. Je vais trouver des formules sur question de la forme. Par exemple, la circularité. C'est habituellement qu'en archéologie, on dit ça c'est rond, cet objet est plus rond que cet autre. Voilà, la circularité, c'est une propriété. Que ça existe une formule très très simple. Nous avons besoin tout simplement de l'air, de la surface de l'objet et du périmètre. Alors, comment ça ? La ligne. 4 fois pi multiplié par la surface et la division sur le périmètre au carré. C'est très simple. Une simple formule très simple qui nous donne la circularité des choses. L'opposé, c'est la quadrature. Le périmètre, c'est très irrégulier. Bon, alors, je peux mesurer l'irrégularité en termes d'un rapport de périmètre. Avec un périmètre théorique de dimension 1, qui serait le périmètre de tout l'objet, comme ça, et le périmètre réel. Cette comparaison donne une mesure de la irrégularité des choses. La mesure de la élongation, c'est très classique, sur le diamètre maximum divisé par le minimum. Comme vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Question pratique. Comment est-ce que je peux mesurer tout ça? C'est très simple et gratuit. Ça, c'est un software que sur Java, alors ça marche sur Macintosh, sur Windows, sur Linux, sur ce que vous voulez. Ça s'appelle ImageJ. Aujourd'hui, ça modifie le nom, il s'appelle Fiji, comme les îles. Fiji, ça veut dire Fiji est simplement ImageJ. Ouais. Ce sont des jeux de mots qui font des problèmes. Vous pouvez trouver par ImageJ ou par Fiji. Et ici, vous avez l'adresse. C'était créé surtout pour l'analyse microscopique des choses. Mais c'est très simple. On fait les scanners normaux d'un dessin archéologique. On transforme ces scanners dans un dessin blanc et noir. Ici, vous avez l'image initiale. On trouve automatiquement, c'est un algorithme de chercher les périmètres. Des périmètres. Et maintenant, il y a les différents plugins. On dit, s'il vous plaît, je veux tous les constantes de forme de cet objet. Très simple. Problème, c'est gratuit, que les unités sont dans pixels. La mesure n'est pas donnée en centimètres, est donnée en pixels. Alors, ça exige qu'au moment du scanner, vous allez faire une escale de dessin initial pour savoir exactement quel multiple d'un centimètre est le pixel de résolution de l'image. Ah, c'est très très simple, il faut le faire seulement une fois. Une fois que nous l'avons fait, nous pouvons transformer n'importe quelle mesure de pixels en mesure métrique. Alors, il y a beaucoup de mesures. Attention à la définition formelle, ça c'est du livre de Dwight Redd, Archaeological Classification, qui est assez récent. Qui définit qu'est-ce que ça veut dire la mesure du point de forme. Il s'agit d'un numéro d'une série ordonnée de mesurements qui caractérise la forme sans résidence s'il y a un ensemble de règles et de dessins qui permet la reconstruction de la forme à partir de ces mesures. Ce n'est pas question de tout simplement « Ah alors, on va mesurer !» Combien de mesures, combien de paramètres de forme? 125. Aujourd'hui, c'est la machine qui prend toutes les mesures. On n'a pas besoin de réduire le numéro de paramètres. Combien de paramètres? Ça dépendra si nous sommes capables de transformer la forme à partir des mesures. Vous pouvez faire la preuve. Vous donnez à un autre archéologue la description d'un objet archéologique avec le système traditionnel. oblongue, ronde, plus ou moins rare. Et on voit si les autres archéologues sont capables de dessiner l'objet. Ou bien vous donnez une série de mesures de circularité, d'irrégularité, pour voir si est possible de faire la reconstruction de la forme. Plus avancé que ça. Il y a la morphométrie, et ça commence à avoir beaucoup de succès dans le domaine de l'archéologie. Ce livre a beaucoup d'exemples archéologiques et des exemples de paléontologie. Ça existe même une association archéomorphe qui est en train de divulguer l'idée, la grande philosophie, la solution à tout le problème de l'humanité archéologique. Qu'est-ce que c'est l'analyse morphométrique? Ça arrive de décomposer un profil, un contour, trouver des points caractéristiques qui s'appellent la marque, et alors trouver les coordonnées de ces points caractéristiques. Alors la forme n'est pas décrite, mais est codée. Vous voyez, nous avons ici un poisson. Il y a des points de référence. Ces points de référence doivent être très très pensés. Alors ce sont des points très importants pour la forme, pour l'activité, pour l'utilisation de l'objet. On a créé ici un squelette de forme, un squelette morphométrique. La continuation commence toujours avec le même sens. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très très important la consécutivité des points. Et on obtient un fichier donné. Ce sont les coordonnées x, y de tous les points. Alors, ici nous avons un premier objet qui a 13 coordonnées. Un deuxième objet qui a aussi 13 coordonnées. Tous les objets sont décrits comme ça. Une série de coordonnées des points caractéristiques. Question pratique. C'est Rolf qui a créé vraiment la morphométrie computationnelle. Tous ces logiciels sont gratuits. On peut le trouver sur ce site. Il existe un plugin pour le logiciel que nous avons voir, ImageJ, qui s'appelle PointPicard. C'est très très simple. Tout simplement, il faut charger les scanners de l'objet et commencer à utiliser un outil de signalation, la souris par exemple, considérer point 1, 2, 3, 4, et toujours travailler dans les mêmes sens. Alors, on utilise le premier objet, deuxième objet, troisième objet. Et le résultat, c'est un fichier comme nous avons vu avant. Ça commence à être très très utilisé sur l'anthropologie physique, dans les années plus historiques, alors des évolutions anthropométriques des groupes, on peut être tracé avec cet élément. Par exemple, l'archéologie américaine, c'est très habituel pour voir les différentes populations en origine dans la première colonisation. On a fait des études si les premières populations humaines américaines c'était homogène du point de vue anthropométrique ou non. Alors, la dentition aussi, peut être décrite avec des points importants. Pour la paléontologie et surtout l'archéologie, on a plus des exemples. Comme vous voyez, ce n'est pas question de tout simplement mesurer quatre choses dans le poste, mais trouver toute une série de points qui peuvent être importants, définis biologiquement, anatomiquement, parce que c'est l'insertion musculaire, c'est un cœur articulaire, etc. Et à partir de ces points, on peut faire une description morphométrique de n'importe quelle part anatomique. Et aussi en archéologie. Alors nous avons des exemples qu'on a fait une série de points. Comme c'était très difficile de trouver les points caractéristiques, on a décidé, alors on prend beaucoup de points. Bien sûr, le problème, c'est tout simplement le temps d'acquérir les points. Si nous avons un truc informatique, c'est très simple de trouver 50, 150, 300 points. Si on travaille comme on travaillait il y a 15 ans, tout à la main, c'était très très difficile de prendre les points. Une autre solution, c'est d'utiliser un petit schéma pour voir quels points sont les plus fondamentaux pour définir cette forme. Comme vous voyez, il s'agit tout simplement d'un rectangle analytique, euclidique, et à partir de ce premier rectangle, j'obtiens des autres rectangles. Avec ça, je peux obtenir un point, un autre, un autre, un autre. Avec 7 points, je peux définir une forme. Pour la poterie, c'est la même chose. Et ici, on peut utiliser aussi des points qui ont un certain sens du point de vue de la production de l'objet. Alors, ce sont des points de changement de direction à partir de la position des mains du poteur. Voilà différents exemples pour voir comment définir ces points caractéristiques et arriver à décrire tout ça. C'est la révolution, si vous voulez, en description de la forme, jusqu'aux années 90. Problème. Grand problème, c'est un problème que l'archéologie a complètement oublié par des questions externes à l'archéologie. Parce que l'archéologie était toujours de la photographie, des dessins, de la description. L'industrie éditoriale a dit, en photo, c'est trop cher. Ils font un dessin formel. Alors on a commencé à utiliser des dessins en deux dimensions. Et aujourd'hui, l'archéologie, vraiment, toute la documentation archéologique est en deux dimensions. Très, très grand problème. Parce que la réalité n'a pas deux dimensions. Combien de dimensions a mon réel? Que croyez-vous? Combien de dimensions? Vous savez combien de dimensions a le monde réel? Ah, trois dimensions spatiales. Hein. Trois. Pourquoi trois? Parce qu'on prend un repère. Parce qu'on nous dit, oui, d'accord, les bouquins de science-fiction parlent de cinq dimensions, de l'espace multidimensionnel. Et qu'est-ce que ça veut dire, trois dimensions? Ça veut dire que la description la moins redondante du monde est une description trois dimensionnelle. C'est-à-dire que le monde réel a tellement de dimensions qu'on façon d'avoir le monde. Absolument tout, c'est une dimension du monde réel. La circularité des choses, la quadrangularité, la distance, la couleur, la texture, beaucoup de choses sont des dimensions. Mais si je veux décrire avec maximum de redondance, j'ai besoin de trois dimensions. Pourquoi ? Ce sont les trois axes du mouvement. Je peux faire ce mouvement, je peux aller de côté, et bien sûr, je peux sauter. S'il existe d'autres mouvements, bien sûr, je peux faire des sauts en diagonale. Mais un saut en diagonale peut être repéré à partir des trois axes. Ça veut dire que la réalité a beaucoup de dimensions. Mais avec trois dimensions, je peux placer n'importe quel objet sur l'espace réel. Attention, trois dimensions, c'est le minimum. Mais pourquoi deux? Avec deux dimensions, j'ai pas d'informations. Beaucoup d'informations. Absolument toute l'utilisation. Probablement, en archéologie européenne, nous avons l'habitude de trouver des poteries symétriques. En archéologie américaine, il y a beaucoup de poteries qui sont asymétriques, zoomorphes. Comment est-ce que ça peut être décrit en deux dimensions? Même les objets lithiques, le problème de la symétrie des outils lithiques est vraiment très important. La représentation des animaux qui ne sont pas symétriques, ou au moins ne sont symétriques par deux axes différents, seulement par un. Tout cela implique beaucoup de problèmes. Si on décrit la forme avec deux dimensions, comme on vient de voir, on perd beaucoup d'informations. On a besoin de la troisième dimension. Et ce n'est pas une question sous un point de l'archéologie virtuelle pour être plus moderne, plus à la mode. Il y a plusieurs formes d'essayer de travailler avec la deuxième dimension. La première, c'est la décomposition. Mais vous voyez, c'est une approche assez ancienne. Il s'agit d'obtenir n'importe quel objet et le décomposer dans des formes trois-dimensionnelles primitives. On travaille avec le cylindre, le cube, etc. Ça existe la possibilité d'une morphométrie trois-dimensionnelle. Il y a des software pour le faire. problème, c'est qu'alors c'est très très complexe l'acquisition des points. Parce qu'on avait soin d'un système tridimensionnel pour introduire les points. L'avantage de la morphométrie avec l'ImageJ par exemple, c'était que très simple. On fait le scanner du dessin et on commence à faire des points. Si on prend l'objet réel et commence à faire des points, nous aurons besoin de quelques heures pour chaque objet. Si vous avez 3000 objets dans votre chantier de fouilles, vraiment, on ne finirait jamais. Alors, on appelle à l'archéologie virtuelle, la réalité virtuelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les trucs purs, récupérer la tridimensionnalité des objets. Il y a en général deux possibilités. D'abord, la photogrammétrie. La moderne photogrammétrie, pas l'ancienne qui est la stéréophotogrammétrie. Il s'agit tout simplement de prendre des différentes photos de même objet à partir d'angles de vue différents. Il y aura un software qui sera capable de trouver les coordonnées de ces points à partir des coordonnées de la place où nous avons commencé à faire les photos. Il y a des logiciels commerciaux, 2000, 3000 euros environ. Il y a des logiciels libres, avec quelques petits problèmes. Mais toujours c'est la même chose. On est en réalité, on prend des photos autour. La seule chose que nous avons besoin, c'est de calibrer un peu la machine, de connaître la distance de place de la photo. Et à partir de ce moment, de retrouver un minimum de 5 points communs dans chaque photo. Il faut que toutes les photos soient rapprochées. Et le point de contact, le plus de points de contact, le mieux. Mais le minimum, c'est 5. La même chose, on peut faire à grande échelle. Alors, c'est la photogrammétrie pour essayer de retrouver les dimensions et les régularités de la surface terrestre. Plus populaire aujourd'hui, c'est le scanner 3D. Que maintenant, c'est le truc de la mode en archéologie. Dans les conférences d'archéologie, c'est « Moi, j'ai mon scanner 3D, et toi ?» Bon, c'est dans des semaines, c'est la conférence mondiale archéologie informatique. Et bien sûr, 70% des présentations sont à propos de l'utilisation des scanners 3D en archéologie. Tout le monde, les riches, ont un scanner 3D, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rayon, normalement un laser, ça peut être une lumière modifiée, qui arrive, qui est lancée sur l'objet, l'objet retourne, et est capté une autre fois. Avec cette idée, les coordonnées, les trois coordonnées de ces points, sont données à partir du placement de l'escanner. Il n'y a aucun problème, et une fois que nous connaissons 4 et 5 beaucoup de points, les coordonnées sont transférées, le point zéro est transféré à l'objet. Alors, on a besoin normalement de deux scanners. Un scanner pour les grands objets, pour les grandes structures, pour travailler en extérieur, sur les chantiers de fouilles, pour faire un mur par exemple, les constructions archéologiques, et un autre pour les travaux de précision sur le laboratoire. Problème, c'est le prix. Un bon scanner, ça coûte 80 000 euros environ. Il y en a plus cher, 100 000. Même plus ou moins, c'est la quantité. En plus, le software pour travailler avec cela, ça coûte environ 20 000 euros. Alors, vous commencez à faire un investissement de 100 000 euros pour avoir un scanner. Et je vous souvenais que vous avez besoin des deux. Mais les marchés, le marché, aujourd'hui ça commence à arriver. Il y a des scanners, surtout pour des choses assez petites, des 3 000 dollars. Les David Scan, c'est aussi 3 000. Ou encore, les ScanFile, ça arrive à 1 200. Quelle est la différence de ces trucs bon marché? La précision. Dans les trucs bon marché, la précision, c'est environ de 2 mm. Alors, pour représenter cette chose, qu'il y a une erreur de localisation de 2 mm. Que ça veut dire que cette décoration ne sera pas réparable avec précision. Mais pour cette table, je n'ai pas aucun problème avec une erreur de 2 mm. C'est la grande différence. Alors, si vous savez la précision dont vous avez besoin, vous pouvez acheter un truc ou l'autre. Et bien sûr, l'autre solution, c'est louer. Qu'on oublie toujours parce que la période d'acquisition des données est limitée en archéologie. La plupart du travail, ce sera après pour processer tous ces données. Alors, normalement, ce sont les tarifs à Barcelone, mais j'imagine qu'ici, ce sera encore moins cher. Ça arrive de 250 euros par jour et ça peut arriver à 2000 euros par mois. Ce n'est pas tellement cher. Le problème, c'est toujours la personne. On a besoin d'un technicien. Ce n'est pas difficile. Normalement, nous pouvons enseigner à n'importe qui à utiliser un laser des après-midi avec des séances de 3 ou 4 heures. On sort qu'on peut l'utiliser. Et la facilité d'utilisation de ces trucs, vraiment, est incroyable. Dans les prochaines années, on aura un scanner 3D dans un téléphone cellulaire. Quel est le résultat d'un scanner 3D ? Un nuage de points qui est représenté par un fichier texte que tout simplement connaît des coordonnées. Le problème, c'est l'origine des coordonnées. Normalement, c'est les centres de gravité de l'objet qui contiennent la coordonnée 0, 0, 0. Et à partir de ces points, on obtient tous les autres points. C'est plus pratique de transférer les points 0 à un extrême. Surtout, après, on verra pour la comparaison des objets. Combien de points ? Alors, normalement, ce sont plusieurs millions. C'est la précision. Un scanner bon marché, il y a une distance de 2 mm entre deux points. Un scanner de haute précision, ce sont des nanomètres. Alors, vous pouvez trouver des décimales de millimètres de précision. Avec les points, on ne fait rien. Il faut transformer le nuage de points dans une surface. C'est une appellation qui s'appelle triangulation. Comme vous voyez, le plus grand nombre de points, cette triangulation nous donne des unités minimales de surface plus nombreuses. Si nous avons un scanner de basse résolution, les points sont très éloignés, alors ces petits triangules sont très grands. Le résultat est très laid. Si une surface doit être suave, bien sûr, c'est très irrégulier. L'irrégularité, c'est un arrêt du processus d'acquisition. Comment est-ce que je peux résoudre cela avec peu de points, peu de résolution? Il semble une photo. Ce n'est pas une photo. C'est tout simplement un nuage de points. Sans transformation de surface. Ce sont des millions de points par puce. Problème, et tout simplement un seul modèle lithique, ça coûte environ 1 gigabyte. Nous avons fait des petits calculs, un site archéologique de 100 mètres cubiques, un mètre profondeur, 100 mètres carrés, à une résolution d'un centimètre cubique, c'est-à-dire la totalité de l'information du chantier de fouille, avec une distinction de tous les objets plus grand qu'un centimètre carré, ça a besoin d'un pentabyte de données, d'espace de disque. Problème, aujourd'hui, les terabytes, c'est vraiment pas très cher. Alors, un disque dur de 5 terabytes, ça coûte 90 euros. Ce n'est pas très très cher. Mais on commence à voir que vraiment, la quantité de données de l'archéologie est immense. Il faut changer beaucoup de nos habitudes. Mais la possibilité, la technique, ça existe. Ça existe, la possibilité de que toute l'information archéologique soit contenue ici. Maintenant, on n'a pas besoin de la forme. Par contre, on peut manipuler directement un analogue de l'objet, qui est exactement comme l'objet initial. Ce n'est pas une pièce musée, ce n'est pas la solution, c'est pas faire un musée virtuel. C'est utiliser cet objet pour faire toutes les opérations logiques des analyses. Et pourquoi cet objet a cette forme? La forme est décrite. Est décrite avec une série de surfaces. Ce n'est pas une étiquette. Ça, c'est le format informatique qu'on utilise. C'est normalement une série de triangles qui sont coordonnés par son point central, son centre central, et chaque triangle a aussi ses propres vertex qui ont ses propres coordonnées. À partir de cette information, on peut recalculer les index de relations qu'on avait vus avant. Mais maintenant, en trois dimensions. Alors, au lieu de la circularité, on peut travailler avec la sphéricité. Au lieu de la quadrangularité, on peut travailler avec la cubicité. Maintenant, nous avons une mesure réelle de concavité. Vous pouvez comprendre que c'est une information clé en archéologie pour étudier le volume, les conteneurs, la vase céramique et beaucoup d'autres mesures. On commence à travailler. On a besoin de beaucoup plus d'informations. Ce sont les spécialistes de physique et surtout de granulométrie en géologie qui ont travaillé sur des mesures de formes en 3D. En anglais, ça existe maintenant la différence de vocabulaire. Shape, ça veut dire forme en deux dimensions. Form, ça veut dire forme en trois dimensions. L'évolution des études en géométrie va dans ce sens-là. Ça veut dire que pas absolument tout est résolu aujourd'hui. Il ne manque plus de mesures parce qu'on commence à voir qu'une mesure très performante pour la deux dimensions n'est pas très très performante pour la troisième dimension. Et la quatrième dimension, quelle est la quatrième dimension de la réalité? Avec les trois dimensions de la forme et des dimensions, on arrive à placer les objets. Mais la distinction des objets, non seulement est pour la géométrie, pour la série des contours, des surfaces qui définit l'objet, surtout pour l'apparence visuelle de l'objet, la texture. On appelle texture pour tout ce qui a variation sur une surface. Toutes les propriétés que se distribuent avec une certaine variation, on l'appelle texture. En général, on parle de deux types différents de texture ou de propriétés de texture. La première, c'est la couleur. L'utilisation de la couleur en archéologie est toujours qualitative. Une chose est blanche ou non. Une chose est noire ou non. Mais s'il existe quelqu'un capable de décrire les couleurs d'une chose avec plus d'imagination, c'est un archéologue. Vous pouvez voir la description d'une stratigraphie. Couleur du sédiment. Noir avec irisation, mais avec des touches marron. Vous pouvez voir la description de la pâte de la poterie. Ça existe les couleurs sandwich. Vous connaissez les couleurs sandwich? C'est absolument incroyable. La capacité d'imagination des vocabulaires inventés. Même un novelliste trouvera beaucoup de choses à prendre des archéologues. Mais on va nulle part avec cette description verbale de la couleur. Surtout parce que, dans la théorie physique, on sait parfaitement que la couleur est à voir à la réflexion de la lumière et la longitude de onde. La description, c'est très très facile avec ce qu'on appelle les cercles chromatiques RGB, red, green, blue. Alors, vous avez la traduction, saturation, je connais la traduction française. La U, c'est l'intensité. Mais normalement, toujours on utilise les mots en anglais pour faire cette description. Alors, vous avez la chroma, ici, il y a des systèmes très très performants pour décrire millions de couleurs. Ça existe, les codes Munsell de couleurs. Il y a un problème du code Munsell, qui à la fin, c'est une décision qualitative. Alors, cette couleur a cette étiquette, et cette autre couleur a cette autre étiquette. Quel est le rapport métrique? Et plus semblable cette couleur à cette autre, Un des grands problèmes archéologiques, c'est que l'information des couleurs, presque toujours, est post-dépositationnelle. N'est pas la couleur originale des objets. Alors, si nous sommes trop performants dans la description de la couleur, on arrive à trouver des différences qui n'existaient pas dans le passé. Nous avons besoin qu'une mesure formelle puisse être rapprochée à une autre. On dit, alors, d'accord, c'est une mesure différente, mais les degrés de similarité est plus réduit que la comparaison avec cette autre couleur. Et aujourd'hui, nous avons des trucs que ça coûte moins de 100 euros, qui s'appellent colorimètres. Avec un colorimètre, c'est vraiment très très facile de prendre des mesures de la couleur. Attention, la couleur, c'est toujours une question de la lumière qui reflète la surface. Alors, ça dépendra de la condition d'illumination, la détermination d'une couleur ou l'autre. Vous savez, si vous êtes sur le chantier de fouilles, décrire les couleurs de la stratigraphie à midi, c'est complètement différent que décrire les couleurs de la stratigraphie à 8 heures du soir. Alors, la question de l'illumination est fondamentale quand nous voulons mesurer la couleur. Mais la couleur est mesurable. Pas de problème. On arrive maintenant à l'apparence tactile. Il y a une série de mots qui, bon, on a essayé de traduire, mais si vous arrivez à trouver coarseness, roughness, la smoothness, c'est la suavité, bien sûr, polish, le polymère, ça existe. Mais la différence en français ou en espagnol, varnish et polish, je n'arrive pas toujours à le trouver. Mais ça existe. Qu'est-ce que ça existe? Bon, d'abord, où est la texture? Les besoins que nous avons de mesurer la texture. D'abord, c'est l'analyse des traces d'utilisation. Les traces d'utilisation, c'est les objets ont une texture matérielle et ils changent la texture à partir des travaux qu'on a réalisés. Le problème archéologique est que cette description est faite avec expression verbale, ondulée. Alors, j'ai vu des descriptions de polymons qui sont brillent comme la du beurre. Il y a aussi une imagination incroyable pour trouver des mots de notre expérience pour décrire une chose qui est polie, très polie, moins polie que très polie, mais quelquefois polie. Bien sûr, avec ces vocabulaires, c'est un peu possible de distinguer des différentes formes. Moi, ça arrive que les spécialistes disent, bon, d'accord, ça c'est le polymon des céréales, ça c'est le polymon des bois. Polymon, c'est vrai, mais j'ai besoin d'une description. Sinon, il faut que l'expert en traceologie vienne avec moi et pour regarder 3 millions d'objets. Parce que ce qu'on a besoin, c'est d'analyser absolument tous les objets du chantier de fouilles. Et la décoration. Mais la décoration, c'est aussi une forme de texture. Il y a une irrégularité de la surface. Il y a des couleurs, mais aussi une irrégularité de la surface. Alors je peux considérer aussi la décoration comme une texture. Est-ce que je peux décrire la texture? Oui, parce que c'est une forme de microtopographie. À partir des années 70 jusqu'aux années 2000, la façon c'est d'obtenir une photo, microphoto, et utiliser une clé de niveau de gris. Alors, les parties les plus claires, vous voyez, sont les parties les plus proches de l'objectif de la caméra, les parties les plus hautes, tandis que les parties les plus obscures sont les plus reculées, les plus profondes. Je peux transformer alors celle-là en une map de hauteur et profondeur. Bien sûr, il y a le problème du matériau, de la réflexion de la lumière. Mais bon, je peux essayer de faire des différentes approximations, des différentes paramétrisations d'une image. Et je peux trouver alors la forme générale de toutes les parties les plus profondes et de toutes les parties les plus proches à l'objectif de la caméra. Il s'agit de segmenter la photo en ce qu'on appelle les composants de texture ou texte. Et à partir de cet extrême, je peux commencer à utiliser les paramètres de forme qu'on a vus avant pour voir la variabilité. Est-ce que tous les textes de Sonégal, c'est une surface spéculaire? Est-ce que tous les éléments sont complètement différents? Il y a plus de rugosité, à fur et à mesure qu'on trouve plus de variabilité sur la forme des textes. Bon, ça c'était jusque les années 2000. Mais on peut comprendre, parce qu'on l'a vu avec ça, que la texture, c'est une microsurface. Alors c'est des régularités, bon, c'est quelque chose qui est rugueux. Est-ce que je peux mesurer en unité réelle métrique cette irrégularité? Pour notre surprise, ça existe. Mais les archéologues ne le savaient pas. Il y a deux techniques différentes. La première, c'est la microscopie confocale, qui c'est tout simplement une série de photos de la même réalité avec différents degrés de focage. Avec ça, on peut transformer cette réalité dans une réalité irrégulière. Il y a des microscopes métrologiques des différentes augmentations. On peut travailler sur le niveau binoculaire ou bien sur le niveau microscopie électronique. L'autre approche est d'utiliser vraiment les scanners 3D qu'on a vu avant. Ici, on a besoin de quelque chose vraiment très très performant. Pourquoi? Ça dépendra du niveau de description de la microtexture. Le notre scanner, que c'est le Brockman, a une précision de 0,5 précision de millimètres. Alors, avec ça, on peut prendre des mesures d'une monnaie. Ça veut dire tous les trucs de la décoration. On peut mesurer en temps réel la profondeur de tout le relief d'une monnaie pour voir cette échelle. On peut décrire avec ce truc la décoration de la céramique. Mais probablement pas la traceologie. Pour la traceologie, on avait soin de la microscopie confocale. Ça existe aussi ce qu'on appelle le profilomètre mécanique. Il y a différentes formes. Avec ça, c'est de basse résolution. C'est très rapide comme objet. C'est un stylus. Le stylus a une petite boule, comme vous voyez. Et cette boule registre les choses. La précision, c'est le diamètre de la boule de stylus. Si la boule est très très grande, bien sûr, c'est impossible de trouver les régularités. Alors, pour précision des objets, vraiment pas en microscopie, mais des ensemblements, j'ai parlé avec Olympus, et ils ont tous les trucs, ça s'appelle les microscopes confocales, ordinateur, et software par 75 000 euros. Ici, un catalogue. Et après viendra Olympus et Leica pour vendre les produits. 10% de réduction. Quels sont les résultats? Les résultats, c'est une map de la topographie. C'est une map métrique. Maintenant, on peut prendre n'importe quelle mesure. Et à partir de ces mesures, ça existe un code international de description de la surface à niveau microscopique. Un code international, c'est un isolage. Et incroyable quantité de littérature à propos. Et ça existe depuis plus de 20 ans. En archéologie, il y a deux ou trois papers que je connais qui ont utilisé ce qu'on appelle la métrologie des surfaces. Mais la possibilité de prendre des mesures sont incroyables. De la description. Alors maintenant, on arrive à qu'est-ce qu'il faut mesurer? La variabilité des points hauts et les points les plus réduits. Il y a plusieurs formules qui calculent la moyenne de rugosité, par exemple. La dispersion de la rugosité. La intensité ou la forme. Ici, c'est la symétrie ou la asymétrie de la chose. La relation entre les points les plus hauts et les points les plus réduits. Et tout ça sont des paramètres, une seule mesure. La autocorrélation spatiale, alors il y a de l'aléatoriété dans la distribution de ces paramètres. C'est tout le relief, les micro-reliefs, est régulier par toute la surface, ou par le contraire, est très très variable. Serait spéculaire, serait très poli, si c'est très régulier, sera très vaste, très irrégulier, rugueux, si cette valeur d'autocorrélation n'est pas aléatoire. Et en plus, on peut utiliser une mesure de l'orientation. C'est très important pour la traceologie, pour voir la cinématique du travail, mais aussi en décoration, pour voir s'il y a quelques alignements de différents patrons. Alors, pour savoir plus, il y a une page internet de l'Université de Michigan qui a un document PDF avec la description de tous les paramètres de surface, avec toutes les formules, la description et l'utilité pour interpréter ces valeurs. Il n'y a pas beaucoup de software gratuit, la plupart des software très très chers. Les meilleurs sont français, ça s'appelle Mountain Software. Ça coûte plus de 20 000 euros, mais on peut travailler avec SigmaSoft, qui est un logiciel libre. En plus, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles qui travaillent sur ce sujet, on peut contacter les sociétés de logiciels, même des sociétés d'ingénierie, de production, des usines, pour dire, nous avons ce problème, est-ce que vous pouvez nous aider? Si vous n'avez pas beaucoup d'objets, ils arrivent, bon, d'accord, on peut faire 4 modèles. Mais si vous voulez analyser la texture d'absolument tous les objets de votre excavation, de votre projet de recherche, ça devient impossible. Nous travaillons sur ce sujet. Ici, on travaille sur des objets en bois d'époque néolithique. Nous avons scanné en haute résolution la totalité des objets. C'était dans un site palafitique du lac de Bagnolos. C'est le seul lac naturel vraiment qu'on a. Et la conservation des objets de bois est absolument extraordinaire. Tous les objets de bois ont été scannerisés sur le site, parce que si on commence à fouiller vraiment, on détruit tout. Et on commence à étudier tous les micro-reliefs, et mesurer les micro-reliefs dans le sens de la production, une reconstruction des processus des charpentiers néolithiques, mais aussi de l'utilisation. Ici, ce sont des travaux de rupestre, ce sont des gravures sur une taf paléolithique à Cantabria. Il disait, nous avons trouvé ces gravures, c'est naturel ou c'est une première forme d'art? Alors, on a fait toute l'analyse pour voir, étudier s'il y a une aléatoriété dans l'ubication de ce système, si un processus naturel peut avoir produit tout ça, si on peut voir des choses sur la machine qui ne sont pas voyables à vue nue sur le site. Nous avons travaillé aussi en petite stèle néolithique tardif du nord-est de la péninsule ibérique pour voir surtout la façon dont le travail humain sur la pierre laisse des registres. Nous avons fait une étude expérimentale avec un sculpteur qui travaille avec des outils préhistoriques pour voir quelle sorte d'outils laissent quelle sorte de traces. Et nous avons fait l'analyse des objets expérimentaux et des objets archéologiques pour voir si on pouvait trouver vraiment que la trace laissée sur les matériaux expérimentaux est la même trace qu'on peut trouver sur l'objet archéologique. Bon, comme vous voyez, on peut décrire d'une façon formelle, précise et objective la forme, les dimensions et la texture des choses. Mais non, la grande question, à quoi sert tout ça? Tout simplement pour savoir, pour avoir plus de mesures, dire, oh, j'ai beaucoup de données sur le passé. Souvenez-vous que nous cherchons la cause des choses. Pourquoi cette chose a cette texture? Pourquoi cette chose a cette forme? La réponse traditionnelle en archéologie, quand nous avons beaucoup de données, est on fait la typologie. À quoi sert la typologie? Type 1, type 2. Qu'est-ce que ça veut dire un type 1? Quelquefois, si on fait beaucoup de monde, type 1, ça veut dire siècle 24. Et type 2, ça veut dire la même chose. Quelquefois, la typologie, c'est la provenance géographique. Bien sûr, on a quelque chose. Bien sûr, vous connaissez la tradition chaldienne qu'un type est la caractéristique d'une population. Aujourd'hui, nous sommes la population de meneurs de djinns. Imaginez si nous pouvons entendre un groupe humain à partir d'un type. La bouteille de Coca-Cola, c'est très très caractéristique, ou il était très caractéristique pour définir quoi ? Une période, une géographie. Si on trouve une bouteille Coca-Cola en forme années 50, qu'est-ce que ça veut dire ? Influence des États-Unis ? On pourrait voir que la Chine maoïste n'avait pas cette fossile directeur, tandis qu'au Chicago, ce qu'il y avait beaucoup, et qu'en Espagne des années 50, pas beaucoup. Il faut aller plus loin, parce qu'une typologie n'est pas une approche explicative. La typologie, de la façon que les archéologues, usuellement, normalement, appliquent, n'est donc pas des solutions. Bien sûr, il y a beaucoup d'exceptions, il y a des gens qui travaillent très bien. Il faut voir une grande différence entre les deux approches des analyses statistiques, ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Ça s'appelle la vraie classification de la partition. Une partition, c'est tout simplement avoir un ensemble d'objets et les organiser par les objets plus similaires. C'est une partition. La partition n'a aucune explication. C'est l'ensemble des objets qui ont cette forme, l'ensemble des objets qui ont cette autre forme. Et pourquoi ils ont une forme différente ? Ah, la partition ne dit rien à propos de ça. Une classification, c'est une autre chose. Une classification dit tous ces exemples, tous ces objets, sont exemples d'un type, d'un prototype. Et ces prototypes, en certain sens, sont les choses qui semblent un objet qui servait pour couper, d'un objet qui sert pour modifier la nature, etc. Bien sûr que nous avons toutes ces mesures de forme, texture, etc. Nous cherchons à trouver une structure de similarité, les choses similaires. Il y a une idée que ce qui est commun dans une population d'objets a expérimenté la même relation cause-effet. Toutes les choses qui ont la même forme ont été travaillées pour la même chose, ont été utilisées de la même manière. Bien sûr, nous savons qu'un pistolet peut être utilisé pour tuer ou pour remâcher un clou. Il y a beaucoup d'objets qui sont produits pour une utilisation et après sont utilisés pour une autre. Alors, ici, on travaille sur la potentialité des objets. Un objet a été produit par une fonctionnalité symbolique, économique, et après, probablement, a été utilisé exceptionnellement pour d'autres choses. Mais c'est impossible d'utiliser un plat à soupe pour garder un liquide pendant 3 ans. Alors, il y a des choses possibles, des choses qui ne sont possibles avec certaines formes. Alors, l'étude de la ressemblance est très très important. En archéologie, presque toute la réflexion archéologique, c'est une réflexion sur similarité, ressemblance. Cette chose est comme cette autre chose. Et les archéologues, la plupart des archéologues arrivent à dire, bon, pour moi, ça c'est la même chose. Arrive un deuxième archéologue, c'est comme une châtaigne, et un marron. C'est complètement différent. On n'a rien à voir. Nous avons besoin d'une mesure de la similitude. Cette mesure de la similitude est tout simplement une évaluation de quantité des propriétés en commun par rapport à la totalité des propriétés qu'on utilise pour la comparaison. Attention, parce que la similitude alors apparaît comme une propriété très subjective. Dépendra du numéro de propriétés. J'ai pu prouver qu'un chat est comme un chien. Si j'utilise 4 pattes, à 2 poils, à 2 oreilles, c'est la même chose. Bien sûr, j'ai oublié de toutes les autres propriétés qui ne sont pas. Ça veut dire qu'il faut une approche très très formelle quand on décide quelle propriété pour quel rapport de similitude. C'est l'essence qu'on a de la discussion antérieure. nous travaillons sur la forme. S'il y a une façon objective de définir la forme, il y aura un ensemble fini des paramètres de forme. Je ne peux pas inventer ma description de la forme, alors je peux prouver que le projecteur exactement a la même forme que le computer. Il y a un air de famille par son carré, mais ça dépend. Vous voyez, si j'ai un instrument de mesure de la forme, de la texture, je pourrais arriver à objectiver de quelques fois les rapports de similitude. Il y a des mesures de la forme. Dans les statistiques traditionnelles, vous connaissez, c'est les différences index, l'index de Jacquard, l'index de Kulczynski, de Morisita. Il y a vraiment la grande solution archéologique, c'est la distance euclidienne. On peut utiliser des attributs qualitatifs, on peut utiliser des mesures quantitatives. La distance euclidienne, c'est la façon habituelle de faire statistiquement des références à la similitude. Je peux mesurer exactement les degrés de similitude qu'il y a entre le computer et le projecteur. Tandis que j'ai mesuré le computer et le projecteur. Le résultat, c'est ce qu'on appelle le principe d'agglomération, le principe d'agrupation, du clustering principle, qui dit que la similitude dans un groupe doit être plus grande que la similarité de chaque membre de cette troupe avec tous les autres membres des autres groupes. Ça, c'est une approche absolument formelle. Il y a beaucoup de logiciels, d'algorithmes statistiques qui permettent ces classifications. Alors, vous avez des analyses de des groupes, il y a des analyses multidimensionnelles, scales multidimensionnelles, analyses de correspondance, analyses de composants principales, plusieurs façons. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Tout simplement, la discrimination linéaire. On peut arriver à dire un groupe avec les principes de classification et un autre groupe. Notre algorithme trouvera seulement des différences si ça existe des différences. Ça, c'est très important. Parce qu'en archéologie, on commence à dire, alors, je crois que c'est similaire. On a dit que non. Alors, l'arbitre sera l'algorithme. Le problème des algorithmes statistiques actuels, c'est qu'ils arrivent à trouver seulement des différences linéaires. Une chose est une femme ou un homme. Ça ne peut être rien au milieu. Mais il y a des catégories fonctionnelles. Oui, c'est un couteau, c'est un poignard, mais c'est un couteau-poignard. Beaucoup de catégories fonctionnelles explicatives en archéologie sont floues. Ce qu'on appelle la discrimination non linéaire. Bien sûr, nous savons que tous ces objets sont là. Mais ces objets, ici, quelquefois, la différence dans certaines choses est significative. Ces choses sont semblables parce que tous les deux sont complètement différents à toutes les autres choses. Alors, la différence est un critère de similitude. Et quelquefois, ça, c'est très intéressant. Parce que la catégorie fonctionnelle, c'est tous les objets qui ne sont pas pour couper. Ça peut être une classification. On arrive à l'idée de classification. L'idée de classification, alors, c'est la catégorisation. Pas seulement la trouvaille des classes différentes. Ce que je veux faire, c'est qu'un objet soit l'exemple d'une catégorie. Pour cela, j'ai besoin de construire cette catégorie. L'approche expérimentale. J'ai besoin de données réelles. Si vous... Je crois que j'avais... Ouais. J'ai besoin de nos observations réelles pour faire une induction. Une induction moderne, ça veut dire une induction probabiliste. Une induction adaptationniste, ça veut dire que les non linéaires, que ça marche. Avec cela, je peux arriver à calculer une règle de discrimination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une règle de discrimination? Que l'effet, c'est la mesure. Si un objet a ces mesures, alors le plus probable est qu'il ait été produit de cette façon. Le plus probable est qu'il ait été utilisé pour cette activité. Ce que nous avons besoin, alors, c'est d'abord de construire ces connaissances. Et la seule façon de construire ces connaissances, c'est à partir de l'expérimentation. L'archéologie doit devenir une science expérimentale. Il y a pas mal de choses qu'on expérimente en archéologie, surtout du point de vue des fonctionnalités. Mais il y a pas mal de choses que résistent encore à l'expérimentalisation. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore comment reproduire au laboratoire. Ce n'est pas important tout ce qu'on ne sait pas encore, parce que l'archéologie doit être une discipline libre. Alors, on apprendra, on trouvera une façon. Dès que nous identifions le problème, on commence à travailler. Quelle sera la solution de ce problème? Aujourd'hui, on ne sait pas tout. Mais même en physique, on ne sait pas tout. Donc, en archéologie, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons encore. Mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà expérimentées. Alors, on peut commencer à construire ces systèmes. Les systèmes, c'est un réseau neuronal. Un réseau neuronal, un système logiciel qui commence à deux phases différentes. La première, la phase inductive d'apprentissage. On montre à la machine des pareils. Alors, cette chose est ça. C'est le résultat d'une expérimentation. Nous sommes sur le laboratoire, nous avons reproduit des outils lithiques, nous avons travaillé avec les outils lithiques, en une description de la texture avec les éléments numériques qu'on a voulu. D'accord, c'est une question de commencer à présenter au logiciel beaucoup de pareils. C'est l'effet, la cause, l'effet, la cause. L'avantage, c'est que l'effet peut être décrit par des images, par des modèles 3D ou par des paramètres métriques. Ce n'est pas la description libre des archéologues. Et le résultat peut être implémenté sous forme de simplement une étiquette, couteau, point de flèche, vache domestique, vache sauvage. On peut implémenter la représentation graphique, on peut implémenter une cinématique indéterminée. C'est-à-dire que le concept explicatif peut être exprimé verbalement, ou bien on peut l'exprimer avec un mouvement, avec une autre expression mathématique, comme vous voulez. Les expériences sont très très normales avec des images. Aujourd'hui, bien sûr, vous allez sur la frontière, il faut voir si vous êtes un bon terroriste ou un mauvais terroriste, que ça arrive, on fait la photo, et il y a un truc, clic, ah non, vous pouvez passer. Qu'est-ce que ça marche? Ça marche avec ce système. Il y a une identification de la face des gens. Il y a beaucoup de trucs sur la vie quotidienne que sont capables d'avoir l'image et arriver à une association. Pourquoi? Parce qu'ils ont la photographie des mauvais terroristes. Alors, on cherchait si vous êtes un mauvais terroriste déguisé en bonne personne. On appliquait, par exemple, par quelques petites choses de l'art rupestre. Dans cet exemple, malheureusement, l'art rupestre était décrit. Ce n'est pas le bon exemple. Mais ici, l'art rupestre est représenté avec des pixels. Ici, nous avons ce qu'on a eu avant, la déception morphométrique du contour des points de flèche. Ce sont tous les points de flèche de la préhistoire nord-américaine. Alors, il y a un système de réseaux neuronaux qui est capable de changer à partir d'une base de données. Alors, ce point est typique de ce site avec cette chronologie qui arrivera à donner toute une série d'informations de ou une nouvelle point de flèche. Si ce point de flèche a la même forme qu'une autre qui est reconnue, alors ce sera l'interprétation. Le grand avantage des réseaux neuronaux est que si on a créé le système avec des objets complets, on peut l'interroger avec des objets altérés, même cassés et fragmentés. J'ai appris le système avec toute la forme de l'objet, mais non, j'ai utilisé tout simplement un morceau. C'est-à-dire, ce morceau, le plus probable est que ce soit une partie de cet objet. Bien sûr, pour arriver à utiliser un système, il faut qu'il ait appris correctement. Plusieurs exemples expérimentaux, avec 3 ou 4 réplications, on n'a pas besoin. Nous aurions besoin au minimum 30 prototypes, répétitions expérimentales de la même activité sur la même forme. La reconnaissance de la lettre aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui arrivent à reconnaître votre lettre. Alors les applications pour l'épigraphie sont incroyables. Il y a beaucoup d'applications pour l'épigraphie et tout ce qui paraît épigraphie. Si on parle de lettres, de textes, pourquoi pas, des patrons décoratifs de la poterie. Et photos complexes. Le problème des photos et la reconnaissance sont l'échec. Un système expert qui a bien appris est capable d'interpréter l'objet même vu d'un certain angle de division. Tandis qu'à la phase apprentissage, on n'a pas vu ça. Alors, on a besoin d'utiliser toutes les échelles différentes possibles de l'objet. L'archéologie, alors, devient une science expérimentale. Il faut expérimenter avec les choses. Maintenant, on peut formaliser la démarche, l'analyse fonctionnelle. C'est la même chose pour l'analyse des productions. On voit seulement du côté fonctionnel. La fonction d'un objet, ou devrait être, ce qu'il est capable de faire. Attention, capable de faire. C'est la définition de Daniel Dennett. Un des neurophilosophes les plus importants. Attention qu'un objet a une fonction économique, pratique, mais même cognitive. Un objet a une forme déterminée pour être utilisé comme un symbole. Une épée peut être construite parce qu'elle ne sera pas une arme pour couper le cou des gens, mais elle sera utilisée parce que c'est le symbole de pouvoir. L'utilisation de l'objet peut être défini comme exercer un contrôle sur un objet manipulable. Et pour cela, il y a une altération des propriétés physiques et un échange d'informations. Pour étudier la fonctionnalité des choses, ce qu'il nous faut, les connaissances sur l'intention de l'agent. Quelqu'un voulait faire une chose. Connaissances sur comment la structure physique de la chose est en rapport à la fonction intentionnelle. Et comment cet objet était déterminé par la structure physique pour faire ce qu'il faisait. La réalité et l'intentionnalité. Si nous n'avons pas ces connaissances, c'est impossible de trouver la fonction d'une chose. Alors, la fonction, c'est un mouvement qui en fait une chose, et il y a différentes contraintes. Et spatiale, physique et dynamique. On va utiliser, alors, on a besoin de l'expérimentation d'utiliser l'objet. C'est une chose très courue en archéologie, mais la plupart des archéologues sont des urbanites, des gens qui viennent des grandes villes, qui ont complètement oublié la technologie populaire, même la cuisine, même utiliser des pots à terre pour cuisiner, faire un feu. Alors, tout simplement, connaître la mécanique d'une action traditionnelle est absolument fondamentale pour essayer de trouver la fonctionnalité. Si vous n'avez coupé jamais un tronc de bois avec un axe, on ne comprendra jamais qu'est-ce que ça veut dire, un axe. Ça veut dire qu'il faut utiliser les lances, les épées, il faut couper beaucoup de choses pour connaître. On voit ici un petit exemple qu'on a fait quelques années auparavant pour essayer de trouver la fonctionnalité à partir de la traceologie. Nous avons une base de données expérimentale qu'on a créée pour cet exercice pour trouver la distinction entre couper et gratter. L'action physique de couper est toujours longitudinale à l'angle de l'utilisation. Gratter, c'est toujours transversal à l'angle d'utilisation de l'appareil. On a fait plusieurs exemples de couper, de gratter différentes surfaces. Surfaces de bois, différentes étapes de sèche ou fraîche. On fait sur pierre, on l'a fait sur bois, on l'a fait sur la peau, différents plusieurs. L'input de la machine, ce sont les mesures de luminosité. À partir des images, nous avons découpé toutes ces images, fait la segmentation, et on a étudié la irrégularité de l'image en termes paramétriques. Le résultat, c'était cette pièce vient d'un expérimenteur. Partant, par conséquent, je sais que je l'utilisais pour couper. J'ai beaucoup d'exemples de couper dans de différentes situations. Le résultat était une discrimination assez correcte entre la transversale et la longitudinale. Tandis qu'aucun système statistique trouvait cette définition, parce que c'était une définition très très floue, non linéaire, nous avons arrivé à un résultat de 84% de succès dans la détermination. Bien sûr, nous sommes de bons profs, nous avons fait un examen de contrôle au système. La base de données expérimentale a été divisée en deux groupes. Le premier groupe servait pour créer le système. Le raisonneur ou non a appris à faire les rapports entre la fonctionnalité et la description de la texture. Une fois qu'il a dit, bon d'accord, j'ai trouvé une solution, alors on utilise les bases de données expérimentales. Nous connaissons la réponse. Et demandons à la machine, ah, qu'est-ce que tu peux dire à propos de cela? Ce sont les résultats de l'examen. Il y a eu des erreurs, bien sûr. Mais les erreurs sont relativement très, très peu. C'est-à-dire qu'on peut arriver à trouver une machine, une façon absolument objective, algorithmique, de trouver une différence entre des données cinématiques du travail humain à partir des restes archéologiques. La même chose, on l'a fait avec la matière travaillée. Il faut dire que les résultats ne sont pas si bons. Ils sont très bons si on considère la dureté de la matière. Alors, il y a une discrimination des matières dures et des matières non dures. La différence entre matière, par exemple, vous pouvez le voir ici, le coquillage. Les coquillages et les os sont les matières les plus dures qu'on a expérimentées, même la voix. Il n'a jamais fait une erreur de confondre une matière dure avec une non dure. Mais il y a beaucoup d'erreurs, surtout avec le bois fraîche. Nous avons besoin d'aller un peu plus loin de l'information visuelle. Jusqu'à maintenant, on a travaillé seulement avec la forme, la texture, les dimensions. Nous avons les données de la composition matérielle. C'est exactement la même démarche, le même système, mais il faut faire un rapport entre les informations strictement visuelles et les informations de type d'analyse compositive. Mais il nous manque une autre catégorie, que malheureusement, en archéologie, on oublie absolument toujours. Et ce sont les propriétés mécaniques. Les propriétés mécaniques des choses sont très variables. Nous avons des questions de la production, les propriétés des frictions, des résistances à la friction, des propriétés thermales, de la densité, la humidité, la perméabilité, le faire des pouvoirs doubler, comme ça s'appelle, doubler une chose, non. Comme ça s'appelle, doublage. Oui, plier, pardon, plier. Le pouvoir de déplier des choses, les propriétés élastiques, la fragmentation des choses. Alors, quelle est la fragmentabilité? Ça dépendra de la résistance, de l'élasticité, de beaucoup de choses. Tout cela peut être mesuré. Alors, peut être mesuré sur les objets. Là, c'est très facile. Il faut trouver une belle poterie néolithique complète. On la met dans cette machine et on la casse complètement pour prouver, mesurer la résistance. Ça, c'est difficile, bien sûr. Alors, il faut une petite approche expérimentale. Il faut faire cette poterie avec la même technique, avec la même cuisson, qu'on a arrivé à cette conclusion à partir de la forme et à partir de l'analyse de la composition, et ça sera la reproduction qui sera soumise à cette poterie. Mais alors, des questions des matières premières, des pierres, des bois, beaucoup de choses peuvent être analysées de cette façon. on peut utiliser analyse informatique. Ça s'appelle l'ingénierie à l'envers. Il faut tout simplement de faire l'objet et de soumettre une force et leur mesurer la résistance ou la déformation de cet objet. Tout cela, on peut utiliser un ordinateur. Alors, ce qu'on a besoin, c'est que les modèles de la forme qu'on a créé avant, on crée ce qu'on appelle un modèle solide. Attention qu'un modèle solide n'est pas une description de la forme, sinon de l'objet complet. L'objet complet est défini par des unités qui s'appellent éléments finis. Chaque élément fini peut être assigné une information numérique. Alors, les propriétés mécaniques sont assignées à chaque élément fini. Si nous avons mesuré un objet, alors je connais les propriétés d'élasticité de la poterie avec cette cuisson. Je connais la propriété de la poterie de ce matériel avec cette cuisson. Je peux commencer à utiliser n'importe quelle part de l'objet et donner des valeurs différentes. Et après, je peux soumettre à l'épreuve des objets. L'exemple sont des murs. Alors, ce n'est pas. Ce sont les briques, d'accord, les murs. Et le plus important, c'est qu'il y a un élément fini. Et cet élément fini a un élément de procédure physique. Je peux commencer à dire qu'est-ce qui se passera si cette mur est d'adobe et je commence à envoyer de l'eau. C'est une quantité de l'eau, c'est un temps d'eau. Je peux utiliser tous les paramètres de mécanisme et je peux étudier la déformation de cette mur comme résultat d'un processus de préservation. Si j'ai un mur de pierre sèche et cette mur tombe, quelle est la dispersion des pierres? Je peux utiliser alors, je peux créer un mur exactement comme les murs que j'ai. Je vais essayer d'étudier comment est-ce que ça marche. Il y a beaucoup de travail. Parce qu'en archéologie, c'est surtout pour la technologie ancienne, des Romains et après. Pour la technologie préhistorique, il y a beaucoup, très peu, des efforts analytiques. Et on pourrait le faire, c'est faire de l'ingénierie inverse des matériaux archéologiques. Nous pouvons faire des simulations sur la résistance statique d'un objet. Alors, la poterie, quelle est la conservation maximale d'un liquide? Quelle est la conservation d'un solide? On peut faire plusieurs simulations dans l'ordinateur si nous connaissons la forme, si nous connaissons les propriétés mécaniques et si nous connaissons, bien sûr, les mécanismes physiques sur lesquels des propriétés mécaniques provoquent des changements de forme. Les plus de résolution de l'élément fini du modèle, plus performant sera la simulation. Les objets que nous avons faits. Alors, nous avons trouvé un arc complet, néolithique ancien. Tout simplement, c'était une pépite altérée pour la fin qu'on a pu reconstruire parce que c'était très simple. Nous avons travaillé, ça c'est l'image de l'objet. C'est le scanner. Alors, à partir de la micro-texture, on comprend les processus de manufacture, comment travailler le bois pour le conformer. Après, on va l'utiliser. Bien sûr, ce bois préhistorique, préservé en milieu humide, on ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une reproduction d'un arc moderne, avec la même forme, avec le même bois. Et aussi, on a fait une simulation avec l'ordinateur. Pourquoi? La grande chance, c'est que la physique de l'arc de la flèche est connue. Les premiers articles sont des années 30 et très connus. Alors, comme vous connaissez tout cela, ce que nous avons fait, c'est d'étudier les propriétés de cette bois. Problème, le Taxus baccata aujourd'hui est protégé. Et nous avons besoin de 1 mètre longueur pour faire les analyses. C'était vraiment très difficile de trouver un échantillon de bois parce qu'on ne peut pas aller au bois et couper. Et nous avons arrivé à trouver un morceau anglais, un morceau de Marseille, un morceau catalan, à partir de conservateurs de bois qu'on a trouvé un arbre qui est mort. Alors, on a mesuré les propriétés mécaniques de cette bois concret. On introduit toutes ces données dans le logiciel. On a pouvoir étudier la puissance de cette machine, de ce truc. Alors, on peut trouver la différence entre un arc de guerre et un arc de chasse. Dans l'arc de guerre, ce qui prime, c'est la distance, pas la précision. Dans l'arc de chasse, ce qui prime, c'est la précision. Et cette différence peut être trouvée par simulation. On a commencé à travailler aussi sur l'utilisation des âges néolithiques en pierre polie. Il y a un degré de modification de la forme à mesure qu'on utilise l'objet et qu'on doit réaviver l'extrême utile. Et on peut commencer à travailler. Alors, qu'est-ce que ça ? C'est un hache ou c'est un élément agricole ? C'est un élément qu'on travaille à la main ou avec une embouchure de bois ? Ce sont des éléments qu'on peut trouver la réponse à partir de la simulation. Les analyses biomécaniques. Une chose très intéressante, c'est pouvoir comprendre pourquoi les animaux domestiques ont des paramètres, des formes, des textures, surtout des formes et dimensions, des os, différents des animaux sauvages. Était très typique d'étudier les mesures des os, tout simplement pour faire une distinction. Sauvage, domestique, et les archéologues arrivaient à la conclusion. Il y a 80% de domestiques et 20% de sauvages. Fini l'étude. Ce que nous voulions faire, ce n'est pas la distinction. Il y a beaucoup d'aspects pour faire la distinction, surtout sur la forme, pas sur les dimensions. On a une population de rocs, de bosses sauvages, et les différentes populations, à partir du néolithique jusqu'à l'âge romain, au nord de la péninsule ibérique, les différentes étapes de la domestication de la vache. Ce que nous voulions, c'est étudier l'évolution des modifications de la forme pour comprendre quel a été le comportement des animaux. Pourquoi ? Bien sûr, la forme des os dépend de la configuration musculaire. Si l'animal a changé la façon à bouger, la façon à faire des tractions par exemple, la musculature s'est réadaptée et l'osmo commence à changer. Nous voulons étudier. C'est une analyse qu'on appelle des biomécaniques. On l'a fait beaucoup pour les athlètes humains. Alors, la différence de Cristiano Ronaldo et Messi au moment de jouer la balle. Si on peut le faire avec des joueurs de football, on peut le faire avec un roc et avec un boss domestique. Mais tu n'as pas fini, on travaille encore pour trouver. Une autre question. Nous avons, ça n'est pas simple à la vie, nous avons des cabanes, des néolithiques anciens, avec beaucoup de trous de poteaux, mais surtout, nous avons les poteaux conserver. Alors la question c'est essayer de partir des trous de poteaux et de quelques poteaux, reconstruire les structures de la cabane et commencer à voir quelle était la hauteur, la capacité et toutes les considérations. Un poteau de cette dimension dans cette position peut supporter quelle structure de couverture, quel est l'espace de l'unité domestique. Ce n'est pas une question de faire une cabane très très jolie pour faire un vidéo jeu. C'est d'entendre par ingénierie inverse les propriétés mécaniques d'une construction. Il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait le faire, mais comme vous voyez, la question ce n'est pas de substituer les archéologues par les logiciels, par les ordinateurs, mais d'utiliser tous les pouvoirs de la technologie actuelle pour faire mieux l'archéologie qu'on voulait faire. La différence qu'on a vue dans la conférence antérieure, c'est le plus important, c'est la question, pas la quantité de données. Si vous avez une question, la question est formulée, vous savez si cette question a une réponse, on n'aura jamais une réponse. Il y a des choses que nous savons déjà, qui ne seront jamais soluble en archéologie. Une fois que nous avons la question, ce que nous avons besoin, c'est de la formalisation des données. Pas la plus quantité de données, les données les plus objectives et surtout les plus en rapport avec la question que nous voulons résoudre, c'est ce que nous avons besoin. C'est très très important que la description soit en rapport avec la question. Ce n'est pas demander à n'importe qui combien est-ce que tu as mesuré ça. Nous avons besoin d'un protocole de mesure qui soit en rapport avec tous les mécanismes causaux que nous voulons étudier. Parce que dans ce sens, nous travaillons sur la question de la production, de l'utilisation, notre description a à voir avec production et utilisation. Maintenant, pour les objets, ce qui nous manque, c'est la description de l'espace et le temps. Mais alors, la question change un peu. Si j'ai un objet, je peux demander pourquoi cet objet a cette forme, pourquoi cet objet a cette texture. Mais si j'ai un objet sur l'espace, la question change. Et la question sera, pourquoi cet objet est ici et pas là? Alors nous aurons besoin d'une description de l'espace et du temps qui soit en mesure de répondre à cette sorte de question. J'ai parlé trop. Bon, des questions de choses. Donc, ouais. Si j'ai bien compris, toutes ces techniques sont super intéressantes, extraordinaires, ça j'en conviens, mais en fait, c'est surtout pour répondre à des questions précises. Bien sûr. Voilà. Et on ne peut pas faire ça pour...